Et soudain, l'inspiration de Clémentine Pachery, lue par Clémentine pour audiocité.net. Mais où les profs vont-ils chercher leur sujet d'expression écrite ? Se demandait Léo. Rédiger l'historique succinct d'un objet ancien toujours utilisé aujourd'hui. Employer une langue claire et précise, ne rentrer pas dans des détails trop techniques, le tout en 400 à 500 mots. C'est ça. Maintenant, il faut, en plus, compter les mots. Tout cela parce que Gaétan avait voulu faire le malin. Lors du dernier devoir, le professeur avait demandé un travail d'une page. Lui avait divisé la sienne en trois parties égales dans le sens de la hauteur et utilisé uniquement celle du milieu, déclarant que les deux autres étaient des marges pour simplifier le travail du correcteur. À malin, malin et demi, s'était dit l'enseignant, d'où le nombre de mots. Le professeur avait déclaré qu'il vérifierait par sondage. Le collégien était à court d'idées et ce ne sont pas les cris du jeune fils des voisins s'en donnant à cœur joie sur son tricycle qui allaient l'aider. Quoique, qu'est-ce qu'un tricycle si ce n'est une forme de bicyclette? Là, il tenait son sujet. L'histoire succincte de la bicyclette de son origine à nos jours. Quelques recherches, un tri sévère des informations trouvées, il ne fallait pas se disperser, une chronologie suivie, une expression soignée sans être ampoulée, il avait sa feuille de route. La bicyclette de son apparition à nos jours. L'histoire a commencé en 1817 par une machine à courir. C'est l'action des pieds sur le sol qui faisait avancer le bout de bois roulant. D'abord appelé draisienne, le vélocipède était né, mais ne rencontra pas la faveur du public. Le jour où, en 1861, il fut doté d'un axe coudé dans le moyeu de la roue qui le faisait tourner comme une meule, la pédale était inventée. Arriva le grand bi en 1870. On cherchait à augmenter la distance parcourue à chaque coup de pédale, ce qui amena l'accroissement du diamètre de la roue, tandis que celui de la roue arrière diminuait, son rôle se limitant à permettre l'équilibre de l'ensemble. L'hypertrophie de la roue avant, on arriva jusqu'à des roues de 3 mètres de diamètre, posait des problèmes de sécurité. En 1884, apparut la chaîne reliée à la roue arrière. La bicyclette hirondelle, 1900. On peut dire que la bicyclette moderne vit le jour à cette date avec ses deux roues de même taille, sa transmission par chaîne et ses pneumatiques démontables gonflées à l'air. Elle a été le premier moyen de locomotion rapide des policiers parisiens. Le surnom d'hirondelle leur fut donné parce que leur vélo portait le nom du fabricant et que leur pèlerine flottant au vent leur donnait une silhouette évoquant l'oiseau du même nom. Avec le temps furent ajoutés le dispositif de freinage et le dérailleur. Son utilisation se diversifia. D'utilitaire quotidien, d'objet de loisir, incluant le tandem, de triporteur pour des emplois plus commerciaux, il est actuellement vélo-cargo, servant à transporter autant des marchandises que des personnes, version moderne du cyclopousse. Dans certaines communes, après adaptation, tout en ayant conservé le principe, il sert au ramassage scolaire. Ainsi, les Woody Bus, fabriqués en France, encore appelés School Bus, selon les localités, dont la structure est entièrement en bois, y compris le toit, permettent aux élèves de primaire d'aller et venir entre leur domicile et l'école. Bien qu'il soit à assistance électrique, le conducteur et les enfants pédalent pour la plus grande joie des participants. Telle est l'histoire succincte de la bicyclette dans notre pays. Pendant la Première Guerre mondiale et de manière internationale, apparut l'infanterie militaire à bicyclette. C'est d'ailleurs à cette occasion que fut inventée sa version pliante. Depuis quelques années, l'objet est de plus en plus à assistance électrique. Ainsi en va-t-il de Rosalie, le vélo-promenade, vélo-cargo pour transport d'adultes, de l'EHPAD dans lequel travaille la tante de Léo. Deux passagers, assis dans le sens de la marche, jouissant du paysage et de la douceur du vent sur la peau, accompagnés de quelqu'un qui pédale, constituent un équipage qui devrait faire la joie des résidents. Voilà. Mission accomplie dans le respect des consignes et du nombre de mots. 451. L'adolescent était content de lui. Ici se termine, et soudain, l'inspiration.